Ma vie n'est pas des plus marrantes, et pour tout dire des plus intéressantes. Jamais une seconde de repos, j'ai mes patrons sans cesse sur le dos. Ils ne sont pas méchants dans le fond, mais ils sont vieux et ils le resteront. Ils radotent et sont rabat-joie, et c'est bien plus souvent eux qui aboient. Le seul luxe que je me paye, c'est l'osier qui me sert de corbeille. Un semblant de nid douillet, couvert d'autres cieux, je m'évade à souhait. J'aurais aimé être un chien de cirque pour amuser la galerie. Être dressé juste pour faire le pitre afin que les enfants rient. J'aurais voulu être un chien de montagne pour aider les gens perdus. J'aurais voulu vivre à la campagne pour plus pisser dans les rues. Mais voilà, je ne suis qu'un chien de vieux. J'ai droit qu'à un repas par jour pour une vie saine si je comprends leur discours. Ce qui est bon pour eux est bon pour moi, c'est con mais je me plie à leur loi. Chaque jour on sort promener pour les besoins le matin et en soirée. Le reste du temps je m'ennuie, je dois rester sage sans faire de bruit. Ils ont leurs petites habitudes, des manies pour leur seule béatitude. Leur emploi du temps est réglé comme une montre selon le programme télé. J'aurais aimé être un chien d'aveugle, véritable ami de l'homme, et voir pour deux à moi tout seul un chien humanitaire en somme. J'aurais voulu être un chien de métier, mais surtout pas policier, ni chien de garde, encore moins dans l'armée. Tiens, pourquoi pas un pompier. Toute façon, je ne suis qu'un chien de vieux. Parfois je pointe le bout de mon nez quand j'en ai marre de rester couché. Mais à peine je bouge une patte, il me renvoie de suite à mes pénates. J'attends pas grand chose de leur part, un geste ou simplement un regard. Je fais le beau, je me redresse, rien que pour une série de caresses. Et là, j'ai la nette impression qu'ils ne me prêtent aucune attention. Je dois déranger quelque peu, c'est tellement occupé un petit vieux. J'aurais aimé être un chien de traîneau, défier le froid et la neige, soulever des glaciers, rassurer mon ego, être capable de tout, que sais-je. J'aurais voulu être un chien de fermier pour apprivoiser la terre. J'aurais voulu être un chien de berger pour respirer le grand air. Mais voilà, je ne passe pas une journée sans être une seule fois martyrisé, étranglé, tiré par la queue. Aujourd'hui, je ne suis guère plus heureux. Ça va faire un an qu'ils sont morts, et dans ces moments-là, j'ai des remords. Entre les griffes de ce sale gosse, je ne donne pas cher de mes os. J'arrive à la fin de ma vie, je ne sais plus de quoi j'ai envie. Et tout comme mes anciens maîtres, je vais mourir sans même ne rien connaître.